Et ce soir sur Arte, à 20h50, pour prolonger, vous pouvez aussi regarder le documentaire issu de cette série de Franck Cuvelier et Pascal Vasselin, La fabrique de l'ignorance. Mais en attendant, restez à l'écoute.